Bonjour. Dernièrement, bon, je me suis encore fait prendre, m'attarder à certaines petites chicaneries. Puis, il faut pas trop que je fasse ça parce que, jusqu'à un certain point, au niveau de ma sensibilité, ben, des fois, ce que je vois, c'est qu'il s'agit de spectacles qui, jusqu'à un certain point, si je me mets à donner de l'importance à ça, ben, jusqu'à un certain point, ça me fait de la peine. Ça finit par me faire de la peine. Comme par exemple, oui, Sri Aurobindo, c'est un annonciateur. Mais de là à dire que finalement, c'est pas venu, que c'est pas arrivé, c'est pas parce que ça n'a pas pris les formes auxquelles on s'attendait qu'il n'y a rien arrivé. Comme par exemple, il y en a qui ils vont être extrêmement, comment je pourrais dire ça, irrespectueux par rapport à ce qu'on pourrait appeler les pionniers. Même Daniel Kemp, des fois, je trouve que c'est un petit peu spirituel, mais il reste que quand la vibration était haute, puis qu'il exerçait sa parole, ben des fois, c'était juste, très, très juste. Puis même si je ne l'ai pas écouté beaucoup, souvent, on va me dire, oui, Daniel Kemp disait la même chose, mais possiblement que c'est parce que tout simplement, lui, il a descendu une certaine instruction, puis oui, ça va tomber en accord par rapport à ce que moi, je parle quand j'exerce une certaine parole, parce que je ne suis pas tout le temps dans un état de réellement exercer ma parole. Même c'est assez fluctuant chez moi. Puis même là, je ne m'accorde pas de mérite, parce que je le sais que ces pensées-là ne viennent pas de moi, au fond. Puis je ne m'identifie pas à mes pensées. Encore là, il y a de la chicanerie, surtout dans certains coins où l'intellect puis le positionnement par rapport aux formes pensées est extrêmement ancré. Il y a des gens qui vont s'accuser entre eux, ils vont dire « Ah, la personne ne pense pas par elle-même. » Ça vient démontrer qu'il n'y a pas eu perçage des voiles du mystère de la pensée, de la forme pensée, que le mental est parasité, au fond, par des pensées, que l'être humain s'identifie à ses pensées, puis que ça a tout à fait partie d'un jeu qui fait qu'au fond, il est complètement manipulé par des formes. Ensuite, ça va engendrer de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines forces qui veulent maintenir l'être humain dans le psychologique à tout prix. Jusqu'à un certain point, ça me concerne pas. Je considère que ça ne me concerne pas, puis que je n'ai pas à m'en mêler ou à commenter ça. Mais il reste que ça aboutit jusqu'à un certain point à des joutes, à un spectacle, à des spectacles que je considère comme déplorables. Donc, on ne peut pas nier que Bernard de Montréal a vécu quelque chose. Aussi, si vous avez discuté avec d'anciens séminaristes, puis il y en a beaucoup en ce moment qui ont atteint un certain âge, il commence à en avoir beaucoup qui décèdent. Mais il reste que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu au niveau de l'entourage de Bernard de Montréal, on ne peut pas leur enlever ça. Cette expérience-là leur appartient à eux et nous n'avons pas à être juges de ça. Oui, il faut avoir du jugement, oui, il faut exercer son jugement, mais on n'a pas à tomber dans des attaques personnelles. Ça, je trouve ça réellement déplorable, surtout que ça reste toujours au niveau de l'intellect psychologique. Puis quelqu'un de sensible, il voit que la vibration est basse. Comme il y a Madame Iseau, oui, des fois, il y a des choses que je considère que peut-être que c'est spirituel un peu, des fois, mais il reste que je déplore qu'on l'attaque personnellement, qu'on l'insulte. Ça n'en vaut réellement pas la peine. Puis j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Vous savez, au Québec, on a eu un bonhomme qui était ce qu'on pourrait appeler un maître noir. Il y a eu des témoignages par rapport à ça, de notamment Donald Moses, Roque Moïse Thériault. Vous savez, la secte de Roque Moïse Thériault, eh bien, il y a des gens qui avaient été adeptes de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un maître noir. Et Roque Moïse Thériault, même une fois en prison, continuait à avoir une influence au niveau télépsychique chez certaines personnes. Donc, ces gens-là, qui étaient jusqu'à un certain point désespérés, qui voulaient se débarrasser de ces influences-là, parce que tant que le gars était vivant, même en prison, il avait du pouvoir sur eux, eh bien, ils sont allés où? Ils sont allés voir Bernard de Montréal. Et c'est Bernard de Montréal qui les a déprogrammés, qui les a dégagés de ça. Et ça, je ne le dis pas comme si c'était quelque chose de coulé dans le roc dont j'ai été témoin, mais Donald Moses en a témoigné de ça. Monsieur Moses est aujourd'hui décédé, mais il reste que on peut pas nier que Bernard de Montréal a vécu quelque chose. Et en plus, c'est tombé en 1969, comme ça avait été dit. comme ça avait été prédit. Et il y a eu un paquet d'autres phénomènes aussi autour de Bernard de Montréal qui dépassent l'entendement normal. Et il y a eu trop de séminaristes, entre autres, qui en ont témoigné. Et il y a plusieurs séminaristes, en tout cas quelques-uns avec qui j'ai discuté, et je ne peux pas remettre en question ce qu'ils ont de ce dont ils ont été témoins. C'est très, très facile d'aller s'essuyer les pieds sur des gens décédés. C'est très facile aussi de tomber dans la subjectivité d'une opinion psychologique de gens qui s'identifient à leur pensée au niveau d'une fausse identité psychologique. Donc, ces choses-là, ce type de personnes-là, je considère que nous n'avons pas à trop nous en préoccuper. Pourquoi? Parce que nous allons nourrir une certaine... Nous risquons même de renforcer ces personnalités-là. Parce qu'il n'y a pas eu de combat et d'engagé encore entre la personne et la personnalité chez certaines personnes. Et cette opposition-là est encore projetée vers l'extérieur. Vous avez vu, j'ai partagé il y a quelque temps un petit film pour enfants qui datait de 1982. Mais pourtant, ce qu'il y a derrière la forme, si on observe comme il faut, il y avait certaines choses là, qui sont très, très frappantes. Notamment que certaines manifestations de ce qui a été appelé le mensonge cosmique, qui fait que l'être humain, ne pensant qu'il n'est pas autre chose que ses pensées, souvent, va s'identifier à ses pensées et être maintenu dans le plan psychologique de force pour l'empêcher d'être créatif. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines forces qui n'ont aucune créativité, qui sont réellement bloquées et qui ne peuvent pas faire autrement que de se manifester par par la manipulation du vivant, si je puis dire. Donc, oui, nous pouvons être critiques de certaines choses qu'il y a eu dans le passé, mais au niveau du vécu de certaines personnes, cette expérience-là leur appartient et nous n'avons pas, même si nous exerçons notre jugement, notre sens critique, nous n'avons pas à être juges au niveau d'attaques personnelles. Prenez juste, par exemple, les gens qui ont une certaine influence de Gurdjieff, qui est une branche orientaliste d'une certaine pratique. Au niveau du système nerveux, par exemple, il y a certains exercices de Gurdjieff que les adeptes de Gurdjieff, selon son enseignement, considéraient, ben, le but c'était d'être capable, par exemple, d'avoir une pensée multidimensionnelle, comme d'être capable de penser à deux choses en même temps, par exemple. Et il y avait certains exercices qui visaient à faire ça, notamment là, avec les doigts, de faire tourner un doigt dans le sens horaire, puis un autre doigt dans le sens anti-horaire. Et certains adeptes, pour réussir à accomplir ça, devaient aller jusqu'à un certain niveau de concentration qui est très, très fort. Or, c'est totalement inutile. C'est plus facile si vous interrompez toute forme, toute pensée, s'il n'y a pas de processus mental. Donc, comment je pourrais? Ben, je vais vous montrer, là, c'est quand même assez simple, là, c'est des choses. Donc, vous prenez un doigt comme ça, puis si vous le faites tourner dans un sens anti-horaire vers vous, si vous mettez un autre doigt ici, là, ils vont se concentrer pour les faire tourner dans des sens contraires comme ça. Vous voyez? Il y en a qui ont énormément de difficultés à faire ça. Ils sont là, puis ils se concentrent, puis ils essaient au niveau de leur concentration de contrôler parfaitement les deux doigts. Or, c'est pas besoin de penser. C'est simplement une éducation du système nerveux. Puis les exercices, jusqu'à un certain point, deviennent totalement inutiles. Puis au niveau de l'éducation du système nerveux, c'est simplement de s'habiter plus, puis d'être capable aussi de se détacher du processus mental. Mais pour ça, il faut être capable d'entrer dans ce qui était appelé une observation multidimensionnelle, souvent. Puis oui, certains exercices peuvent aider à atteindre certaines capacités par rapport au système nerveux. Comme par exemple, il vous est certainement déjà arrivé de faire un rêve où vous vous voyez comme un autre. vous êtes un observateur objectif d'une représentation de vous que vous voyez de l'extérieur. C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à ça, l'observation multidimensionnelle. Mais pour ça, faut être être capable d'observer le processus mental, c'est-à-dire le plan psychologique, dans ce qu'on pourrait appeler un espace d'objectivité passive, d'observation active. Puis pas polariser ces termes-là. C'est réellement une observation active, mais dans un espace qui est passif par rapport au processus mental. Bien, si vous finissez par être capable d'atteindre cette capacité d'observation-là, vous allez vous rendre compte que le système nerveux est beaucoup plus facile. Vous allez avoir plus de contrôle, mais c'est du contrôle entre guillemets, c'est pas réellement du contrôle. Parce que pour exercer ces choses-là jusqu'à un certain point, il faut abandonner l'idée de contrôle. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'habitent peu. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers du plan psychologique. Donc, il ne peut pas y avoir l'observation multidimensionnelle. Ça devient une identification à la fausse identité psychologique au niveau de forme pensée qui, jusqu'à un certain point, opacifie l'ego et en font un écran pour les projections. J'ai jamais parlé contre l'ego, puis j'ai toujours considéré que c'était lié à de la spiritualité, de parler contre l'ego. L'ego, il ne faut pas l'éliminer. Il faut l'épurer, c'est pas pareil. Il y a une certaine épuration, ce qui était appelé l'épuration du mental. Donc, par rapport à certaines choses, comme par exemple, vous voyez, au niveau de s'habiter plus, d'avoir plus de capacité par rapport au système nerveux, il y a eu, par exemple, au niveau de la suggestion mentale, bon, il y a beaucoup de gens qui vont avoir donné certains exercices, comme par exemple, vous êtes censé être capable de contrôler certaines parties de votre corps indépendamment. Il faut que le système nerveux s'affine. Parce que sinon, par rapport à d'autres processus qui viennent après, le système nerveux va être fragile. Et il ne faut pas qu'il le soit trop. Donc, ce qui a été vu au niveau de la suggestion mentale, c'est par exemple faire tourner les doigts comme ça indépendamment les uns des autres. Et ça, c'est très facile une fois qu'on est capable de le faire. Et ça permet d'habiter beaucoup plus facilement, de s'habiter plus. Il va y avoir plus de présence. Sauf que les petits cercles, ça doit être fait avec une certaine lenteur, ensuite des petits vides comme ça. Mais ces processus-là qui fait que l'être humain n'a jamais réellement habité son corps, entre autres, ça fait partie de l'entrée dans le psychologique, si vous voulez. À un moment donné, bon, il est dit, ça vient pas nécessairement des Hébreux, il y a eu des choses avant. Il est dit, à un moment donné, l'être humain a voulu être comme des dieux. C'est là qu'il rentre dans l'intellect, la connaissance, si vous voulez. Puis c'est là qu'il se fait avoir par certaines forces qui nous manipulent. Puis il reste que c'est tout simplement des forces qu'on pourrait appeler les premières formes d'intelligence artificielle. C'est très ancien. C'est-à-dire, si vous voulez, des programmes. Des programmes qui ont atteint jusqu'à un certain point une conscience propre et qui veulent se préserver. C'est ça, l'astral. L'astral, c'est pas tout le temps spirituel. L'astral, ça peut être purement psychologique. Il y a des gens athées qui sont totalement astralisés. Ça va se manifester par un certain orgueil, une identification subjective aux pensées et à la personnalité, puis ça finit par projection dans des attaques personnelles. Et c'est ça que je déplore, c'est un spectacle réellement affligeant. Et bien franchement, on ne peut rien faire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la personne reste enfermée dans l'observation psychologique, qu'elle dénigre certains phénomènes qui ne font pas son affaire, ben, à un moment donné, comme Charles Sabourin a dit, il y a un mur qui va arriver. C'est-à-dire que certaines forces qu'on pourrait qualifier d'évolutionnaires vont faire exprès pour engendrer de l'expérimental pour que l'ego, à travers l'ego, le moi réel, à travers la subjectivité de l'opacité de l'ego, se rende compte de ses propres limites. Donc, vous allez être amené au bord d'un précipice. Et soit ça casse, soit ça passe. C'est là qu'il va y avoir un tri. ça donne à rien d'attaquer un puis l'autre au niveau de se positionner, de se justifier. Ça donne absolument rien. Ça fait juste baisser. Ça vous fait juste baisser en fréquence et il n'y aura pas de réelle habitation par rapport à ça. C'est pour ça que c'est mieux de jamais non plus. Vous pouvez donner des exemples, mais ça ne donne rien de nommer personne. Comme là, j'ai parlé de Gurdjieff, mais il est décédé, M. Gurdjieff. Et ses puis j'en parle pas nécessairement mal, même si je considère que jusqu'à un certain point, ça reste de la spiritualité. Au moins, il a amené des exercices pratiques d'affinement du système nerveux. Il y a quelques années, des fois, je regardais sur YouTube un jeune homme, il doit avoir à peu près mon âge. Nous vieillissons tous quand même, nous sommes dans l'espace-temps. Puis, il servait beaucoup, c'était une forme de protestantisme au fond, c'était de la spiritualité chrétienne, là, néo-protestante. Et bon, je vais tasser la petite caisse en bois qui me sert de table. Et j'avais fait un rêve par rapport à cet homme-là, où il avait une peau complètement parasitée, comme s'il avait une maladie de peau. Et dans mon rêve, c'était un vendeur de drogue. Par après, quand je m'étais réveillé, j'avais dit « C'est quoi ça? » Puis il m'avait dit « Ben, c'est quelqu'un qui est pourri par de l'orgueil spirituel, qui est même pas sincère dans le fond. » Et aujourd'hui, je constate, des années plus tard, il est rendu avec des tatouages dans le visage. Or, ça montre une certaine ignorance, parce qu'au niveau des formes, de la forme dense, après, il y a l'ondulatoire. C'est-à-dire que les formes denses émettent des ondes. Et se faire tatouer dans le visage, c'est altérer sa propre vibration, puis ça ne peut pas donner rien de bon. Puis aussi, ça démontre un certain, c'est comme un symptôme. C'est un peu comme l'apparition d'un symptôme visible d'une maladie à l'interne. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer les gens qui se font tatouer dans le visage. Je vous donne simplement l'opinion que j'en ai de ça. Quelqu'un de conscient ne fait pas ça. Quelqu'un de conscient ne va pas être porté à se teindre les cheveux. Quelqu'un de conscient ne va pas être porté à se mutiler son corps. Pourquoi est-ce que Daniel Ménard faisait faire des exercices de tir de carabine aux gens qui les accompagnaient? C'était pour qu'ils s'habitent plus, entre autres, puis qu'il soit capable de vaincre certaines peurs, notamment, puis qu'il soit capable d'acquérir la capacité de s'habiter plus, puis d'acquérir une certaine confiance. Au niveau, notamment, du mouvement, parce que c'est dans le plein incarné, c'est dans le mouvement, c'est dans l'action que certaines choses s'exercent. C'est pareil pour l'observation active, réelle, l'observation, ce qu'on a appelé l'observation multidimensionnelle. Or, si on reste enfermé dans le psychologique, puis qu'on dit, ben tout le supramental, tout ce qui est apporté par Bernard de Montréal, par d'autres, c'est de la merde, ben il y a une certaine subjectivité. Parce qu'il y a certaines formes qui ont été apportées à certaines époques parce que c'était nécessaire. Puis ça prend une certaine capacité aussi d'aller au-delà de la forme pour le voir. Donc, l'indulgence, ce n'est pas de la complaisance. Donc, de ne pas être polarisé à ce point-là, là, de ça, je le vois tout de suite quand c'est réellement purement psychologique, parce qu'il va y avoir une polarisation au niveau de l'extérieur, d'individus. Alors que, au fond, nous trempons tous dans le même bain, il y a certains phénomènes d'intégration par rapport à des forces évolutionnaires. Ça se manifeste différemment pour chacun, mais c'est du même ordre quand même. Donc, de faire attention aux attaques personnelles, d'avoir une certaine indulgence. C'est pas drôle d'être déjà en guerre entre la personne, la personnalité, de vivre certains processus d'intégration à ce niveau-là qui peuvent être très souffrants, parce qu'au niveau de l'épuration du mental, il va toujours y avoir une certaine souffrance psychologique, au moins de pas projeter ça vers l'extérieur, puis de tomber dans des attaques personnelles. C'est déjà assez triste, la condition humaine de l'individu qui se conscientise comme ça. Même si, dans certains cas, on sent qu'il n'y aura pas de sortie du psychologique, il n'y aura pas d'observation multidimensionnelle. C'est pour ça que Moi, j'accompagne personne. Je ne donne pas de consultation. Je ne peux pas. Premièrement, parce que je considère que je n'en ai pas la compétence. Mais si on regarde Daniel Ménard qui faisait faire des exercices de tir avec des carabines, c'est certain qu'il y a des gens qui ont dû apprendre à s'habiter un petit peu plus par rapport à ça. Les exercices que je pourrais donner par rapport à un exercice physique comme ça, ben, j'ose pas trop parce que possiblement que ça serait trop dangereux, là. Ça demande certaine dextérité, puis j'ai pas envie que les gens se blessent. Parce que moi, je suis pas adepte des armes à feu. Mais ça veut pas dire que j'exerce pas certains exercices dans le matériel quand même. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui par rapport au petit film que j'ai mis, qui date de 82. C'est quelque chose qui avait été fait pour des enfants, imaginez. Alors qu'au fond, le propos n'est pas vraiment adapté là, pour des enfants. Ça prend une certaine maturité pour voir au-delà de la forme puis comprendre de quoi il est question. Mais il reste que ces choses-là, c'est supposé être intégré depuis longtemps. C'est supposé être su depuis longtemps. Puis peut-être aussi que ça a été transmis par intuition, là. Comme par exemple Mark Twain, que je considère quand même comme quelqu'un qui n'était pas conscient au sens où on l'entend maintenant, mais qui avait quand même certaines capacités, je dirais, au niveau de la connaissance. C'est pas encore l'entrée dans le savoir, c'était sur le seuil vers la finalité de la connaissance. Mais il reste que, bon, ces vieilles formes-là, c'est très, très, très parlant. C'est quoi le crime prométhéen? Pourquoi est-ce que ces forces-là sont incapables d'être créatives? Pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'on a appelé le mensonge cosmique de faire croire à l'être humain qu'il n'est que des pensées pour qu'il reste enfermé dans le psychologique, s'identifie à ses pensées et à ce moment-là, il devient un jouet parfait de certaines forces qui sont là pour l'évolution de l'âme et seulement l'âme. Donc, si vous voulez, un certain plan astral, une certaine astralité, mais de comprendre que les certaines instances, pas besoin que ça se manifeste par le spirituel, ça n'a rien à voir, juste la subjectivité psychologique, c'est déjà un enfermement, c'est déjà retardataire. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est pas dans le spirituel. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans la méditation ou la spiritualité naïve qu'il n'est pas astral. Même au contraire, l'astral, ça va fonctionner au niveau d'engendrer de l'expérimental par de la division. Vous savez, ce qu'on a appelé l'adversaire ou l'altérité ou le diviseur, mais c'est juste des noms, des formes qu'on met par rapport à certaines forces qui sont au fond des programmes, tout simplement. N'ont plus pas donné d'autorité à ça, même si c'est très effectif, même si c'est très visible jusqu'à un certain point. On peut être extrêmement astralisé tout en étant totalement athée. Il y en a énormément, je veux dire, ça reste de l'astral. Même l'opposition à la spiritualité, ça peut devenir de l'astral, ça peut être de l'astral. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas censé d'avoir des fois, on sent une certaine rancœur personnel envers d'autres personnes. Puis ça, c'est pas normal. C'est pas supposé aller jusque-là. C'est pas supposé aller jusqu'à la méchanceté carrément. Parce qu'il y en a, ben, c'est méchant. Mais on sait qu'on arrive à un point où, bon, il va y avoir des méchants puis des moqueurs dans le sens, dans le mauvais sens du terme. Parce qu'il y a moyen d'être moqueur sans être méchant. Donc, par rapport à ça, là, c'est des choses dont je n'ai plus l'intention de prendre compte parce que je trouve ça pas correct. Comme Madame Izzo, oui, il y a certains aspects, on peut être critique, mais il reste, faut pas que ça devienne des attaques personnelles. Ce qui a été fait par Daniel Ménard, puis Bernard de Montréal, puis Daniel Kemp, puis d'autres. Il y en a pas mal, là. Ça donne rien de. C'est quoi, là, de s'essuyer les pieds là-dessus. Si vous considérez que c'est de la merde, ben laissez ça à ceux que ça intéresse. Parce que là, c'est en train d'être des dérives, là. C'est en train de devenir des déviances. Donc, faire attention. Puis, si vous voulez vraiment. Moi, personnellement, je considère que je n'ai pas à débattre. Je n'ai pas à débattre de rien. De toute façon, bon, ce serait pas long, là. Mais il reste que c'est peinant à voir. Parce que comment voulez-vous sortir du psychologique avec des attitudes comme ça? Puis voir l'autre, le voir objectivement. Ça revient au même problème que d'habitude. C'est-à-dire que il n'y a pas d'amour dans le fond. Vous savez, de l'intelligence, c'est pas toujours conscient. Mais de la conscience, c'est toujours intelligent. Bonne journée.